Étape 2. Pour installer gratuitement Easark, utilisez le lien contenu dans la page. Après avoir ouvert le lien, faites entrer une première fois. Attendez la fin du téléchargement, puis faites entrer une seconde fois. Faites E, puis de nouveau entrer. Utilisez ensuite la fonction Alt combinée avec la touche A, puis entrez 6 fois de suite. Voilà, Easark est sur votre ordinateur. Pour passer à l'étape suivante, utilisez le second lien contenu dans la page.